Et je me suis intéressé à cette, au bagne d'enfants dans le cadre d'une histoire que je voulais raconter qui se passe dans un bagne d'enfants. Donc je suis documenté. Je me suis un petit peu limité à ce qui s'est passé à Belle-Île-en-Mer en 1934 et autour. Et je me suis documenté pour nourrir l'histoire et avec des détails, avec un souci du détail, de faits précis, notamment dans l'habillement des enfants, les règlements, les rituels militaires, le système des punitions, les surnoms l'argot de l'époque, le surnom des gardiens, etc. De telle sorte d'avoir un environnement qui soit, le plus proche possible de la vérité, si tant est qu'on puisse l'approcher, quoi. C'est-à-dire en me basant quand même sur une documentation, sans essayer d'inventer plus que ça. Alors bon, l'histoire, c'est l'histoire de ce présent ouvrage, c'est basé sur une histoire vraie, sur un fait divers qui s'est déroulé en 1934 à Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île se trouve à la colonie maritime et pénitentiaire de Belle-Île. Donc il y avait à peu près 150 enfants qui étaient enfermés là. Et moi, j'ai inventé un petit personnage qui s'appelle Raymond, qui a 13 ans au début de mon histoire, qui se fait attraper à Paris pour vagabondage et pour vol de livres. Il vole les livres à l'étalage pour les lire, il est passionné de lecture. Et il se fait attraper, coursé par un policier, on le rattrape. Et là, il est condamné jusqu'à sa majorité à 21 ans au bagne d'enfance. Ça s'appelle pas un bagne d'enfance, ça s'appelle la colonie pénitentiaire et maritime de Belle-Île-en-Mer. Et là, on l'envoie les faire aux pieds instantanément. Donc, il est mis en prison dans quelques jours et il attend son départ. On le convoie jusqu'à Quiberon par le train. Là, avec les faire aux pieds, on le transbahute dans un bateau, le bateau de Belle-Île, l'administration, et qui l'interne. Là, il reçoit un registre, un numéro d'écrou. Enfin, c'est la fouille, il est mis à poil, on le tond complètement. On lui donne un numéro de matricule, un costume de bagnard, une paire de sabots, et on lui dit, ben voilà, maintenant c'est là que ça se passe. Donc l'histoire, je suis basé un petit peu sur des souvenirs d'anciens bagnards, des témoignages. J'ai essayé de réunir un petit peu, j'ai rien voulu inventer spécifiquement, donc je suis toujours basé, j'ai toujours essayé de veiller à garder, d'être le plus près de la vérité, donc à toujours prendre un élément de la réalité, d'un témoignage, d'un document. Donc il arrive en 1931, et à travers lui, le lecteur, à travers le petit Raymond, le lecteur découvre la vie de ces jeunes, qui sont soumis au travail forcé. Tout ce qui est dans le document que vous avez vu, je corrobore. C'est vraiment, c'est tout à fait vrai, le travail forcé. À la fois, c'est à la fois une ambiance, il faut se représenter une ambiance d'école, de caserne, de prison et d'usine. Enfin, c'est tout est réuni en un seul lieu. L'armée pour les rituels, c'est-à-dire le défilé au pas, l'appel au le salut aux couleurs, l'appel, les uniformes, etc., l'obéissance aveugle aux ordres, l'école obligatoire, 1h30 tous les jours le matin, 1h30, ils étaient 70 dans une grande salle, on les enfermait, et puis là il y avait un instit là-bas qui faisait vraiment un bouquin, ils n'écoutaient pas, et puis le travail forcé le reste de la journée, alors soit c'était au champ, pour devenir des agriculteurs, colonie agricole et maritime, ou alors c'était pour devenir des marins, recevoir une formation de marins. Donc ensuite de quoi, toujours soumis à la surveillance de gardiens de prison, c'était donc sous l'administration pénitentiaire, donc ministère de la Justice, sous direction de l'administration pénitentiaire. Donc vraiment, des gardiens de prison, un directeur de prison, on est complètement dans un environnement de prison, c'est une vraie prison d'ailleurs, colonie pénitentiaire, hein, c'est jusqu'en 45. C'est jusqu'en 45 où ils sont passés sous la tutelle du ministère de l'Éducation, nationale. Mais d'après des discussions que j'ai eues avec un vrai historien maintenant, alors Jean-Luc Enaudi, à qui j'en ai parlé, il m'a dit que c'était juste un changement d'appellation, parce que les anciens gardiens qui étaient, sont passés de l'administration pénitentiaire à ils sont devenus éducateurs, ils ont changé de nom, mais on a gardé entre guillemets les usages, c'est-à-dire les dérouilles, on continue à garder un petit peu le système de punition. Et d'après les témoignages que j'ai pu lire sur ce qui se passait dans les années 50, c'était encore très très dur. Il y a encore le CAIDA, etc., les punitions, le système, c'était encore très dur. Donc, alors, on revient à ma petite histoire. Ce personnage de Raymond essaye de survivre tant bien que mal à 13 ans avec des adultes, hein, des jeunes adultes jusqu'à 21 ans. Donc, on imagine un peu tout ce qui peut se passer. Enfin, je décris un petit peu la situation, comment il essaye de s'en sortir. Il devient copain avec toute une bande de jeunes. Ils font gourbi ensemble, comme on appelle ça. Alors, ils partagent un petit peu tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose, mais enfin, ils arrivent un petit peu à se démerder. Il décide, Raymond, de s'intégrer, quoi, de participer, de jouer le jeu pour pouvoir essayer d'avoir une porte de sortie. Il pense qu'il va s'en sortir en acceptant de recevoir la formation de marin. Il est dans l'espoir d'apprendre la voile et de pouvoir s'enfuir. Malheureusement, ça tourne assez mal, il tombe dans une sorte de piège, qu'à mi-temps, l'administration, en fin de compte, il se rend compte que cette formation est assez bidon. Enfin bref, en 1934, et là on revient un petit peu dans le fait divers et dans la réalité, dans les faits réels, on arrive en août 1934, et là le 27 août exactement, le dimanche, par une suite de circonstances que j'explique assez bien dans le bouquin, qui est assez clair, je veux dire, les enfants se révoltent à l'intérieur du centre du pénitencier. Ils s'échappent tous ensemble du pénitencier, se répandent dans l'île, on est dans une île. Alors c'est une espèce de monôme, hein, c'est une espèce de chahut, ils sont en costume de bagnard, ils sont en sabots. On imagine un petit peu que leur tentative d'évasion était quand même vouée à l'échec. Mais enfin, c'était une bouffée de liberté, quoi, un besoin de sortir. Alors ils ont mis de mettre le feu, ils déconnent, ils se précipitent sur la bouffe, etc. Et c'est là où le fait divers devient intéressant, c'est que par une espèce d'accord comme ça tacite avec les adultes, les civils, les deux gendarmes qui se trouvaient sur l'île, les gardiens de prison et les touristes qui commençaient, il y avait beaucoup de touristes, on est en plein mois d'août, s'organisent en milice pour faire la chasse aux enfants, c'est-à-dire comme une chasse à l'homme, sauf que ils s'organisent et ils partent, ils s'organisent en groupe, en petits groupes, ils quadrillent l'île pour retrouver tous les mômes qui sont dispersés et les ramener à l'intérieur. Alors avec la dérouille, vraiment les règlements de compte à l'intérieur, on imagine, avec les gardiens de prison qui les attendaient à bras raccourcis. Et d'après les documents que j'ai pu lire, notamment les articles de journaux qui ont paru à l'époque, parce que ça a été quand même un fait divers assez important, puisqu'il y a eu un écho général un peu dans toute la presse nationale notamment, et ça a même donné lieu, on peut considérer une sorte de scandale national. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, une enquête parlementaire, un débat, enfin des rapports qui ont été rédigés par le directeur de la prison. Il a été convoqué, il a même été révoqué par la suite, pas révoqué, mais vous savez, quand on... Oui, c'est pareil, révoqué, promu. En tout cas, dans la réalité, il s'avère qu'on a retrouvé tous les mondes sauf un. Et alors donc, moi j'en ai fait le héros. C'est le petit Raymond qui arrive à se débiner en voilier, il vole à bâton. Pardon. Le suspense, c'était dans le pont, c'est horrible. Donc j'ai découvert cet univers qui est vraiment un petit peu tabou dans la société française, on en parle assez peu, c'est assez difficile. Il a fallu quand même 11 ans avant qu'il se passe quoi que ce soit sur l'évolution de ces milieux quand même. Puisque ça a eu lieu en 1934, et finalement c'est en 1945. Alors donc en 1934 a eu lieu cette révolte, donc La gauche, à l'époque, se positionnait en disant qu'il fallait absolument fermer ces endroits. 36. En 36, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On a d'autres choses à gérer, alors on n'a pas le temps, on va le faire, etc. Mais enfin, ils sont restés combien de temps au pouvoir? Assez peu de temps. 2 ans et demi, à peu près. Enfin, bref, ils n'ont rien fait, c'est vrai. Après arriver la guerre en 39, alors là, n'en parlons pas. Et puis jusqu'au 45, et c'est l'ordonnance de De Gaulle qui a décidé de réformer ces endroits. Ils n'ont pas fermé, hein. Ils ont simplement changé l'administration. Ils ont changé de nom, et on a considéré que c'était plus sous la tutelle, ces centres ne devaient plus être sous la tutelle de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire considérer que c'était une punition, mais plutôt une éducation. Mais dans les résultats et dans les faits, il semblerait que ce soit vraiment la même chose. Alors, Belle-Île a fermé en 1977, quand même, a continué de pivoter, il y avait de moins en moins d'enfants dans les années 60. Après 68, ça s'est vraiment cassé la gueule au niveau de la fréquentation, il y a eu beaucoup. Les juges n'envoyaient presque plus de mineurs à Belle-Île. Et je crois que quand ils ont fermé, ils étaient plus que 2. Chasse à l'enfant, donc. Alors. Pourquoi la chasse aux enfants? Eh bien, c'est parce que, en lisant une biographie de Jacques Prévert, j'ai découvert l'existence de cette histoire, parce que Jacques Prévert se trouvait par hasard, en 1934, en vacances à Belle-Île. Belle-Île était un lieu de villégiature, notamment pour les gens de cinéma, de théâtre. C'était un endroit, c'était une sorte de Saint-Trope de l'époque, toute proportion gardée. Hein, c'est par Sarah Bernard. Lancé par Sarah Bernard dans les années 1910, les gens de cinéma y allaient, et lui allait passer son mois d'août là-bas, peut-être pour bosser, et il a assisté, il était témoin de cette chasse aux enfants. Quand il est revenu, il a écrit une chanson, qui s'appelle La chasse à l'enfant, qui est très célèbre. Il y a eu un projet de film avec Marcel Carné. Quelques plans ont été tournés néanmoins à Belle-Île avec Serge Reggiani et Annick Aimé et d'autres comédiens très célèbres. C'est ça. Et malheureusement, le film s'est interrompu les roches ont été dispersées et on n'a aucune trace du film. Le film n'existe pas. Voilà. Alors donc, j'ai un petit peu repris le flambeau. J'ai trouvé que c'était une belle histoire. Et moi, je me suis lancé dans cette aventure. J'ai découvert l'existence de ces endroits et j'ai trouvé que c'était un petit peu une histoire taboue dans la société française, on en parlait assez peu, c'était assez curieux. Parce que dans l'actualité, Sarkozy proposait quand même de rouvrir des maisons. Il y a dans l'air de toute façon un retour de bâton, si tu veux, de retour même dans l'école, à l'autorité. Il n'est pas tout seul, il n'y a pas. Non, c'est pas Sarkozy lui-même, c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. Et les gens prônent. Est-ce que c'est un terme de l'époque ou Non, moi j'ai pas vu Sauvageon. Le mot Sauvageon, j'ai vu incorrigible, des voyous. C'est terrible. Bon, je ne vais pas apporter quelque chose. Non, oui, les voyous, c'est là-bas. Voilà, c'est ce qu'ils disent, voilà, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas le maître de Madègue, je voudrais dire là. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est là où j'ai mis Prévert, parce que moi j'ai mis 300 pages pour faire ce que Prévert a fait en quelques lignes. Non, mais on a envie d'en savoir plus, si on a envie d'en savoir plus, on peut lire le bouquin. Il y a un peu plus de détails quand même, qui sont assez. Bon, moi, je vous dis, j'ai vraiment été étonné. Voilà le fonctionnement des cages à poules. Alors, par exemple, des détails, il y en a plein. Passer des heures à expliquer un petit peu le fonctionnement de ces endroits. Ils sont difficiles à se représenter parce que, vous dites, c'est à la fois un mélange d'éducation, de pénitencier, de bagne, c'est-à-dire avec le système du travail forcé. Alors donc, les cages à poules, il se trouve que la nuit, on mettait ensemble à la fois des enfants, parce qu'on pouvait. Moi, j'ai un témoin, un copain, enfin, je suis devenu un copain depuis, il est arrivé à 11 ans, il m'a dit, je suis arrivé à 11 ans. Et avec les fers aux pieds, quoi. À Belle-Île. Et on les plaçait évidemment dans des dortoirs et avec des types qui étaient adultes, enfermés eux aussi. Et alors donc évidemment il se passait ce qu'on imagine. de promiscuité. Et donc, on avait résolu ce problème-là en enfermant chaque individu dans des cages en fer, des grillages très épais, vraiment, je l'ai vu, vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est une sorte presque de blindage, quoi. C'est pas du grillage, c'est vraiment, c'est des espèces de treillis de tôle, mais vraiment très épais. Alors, c'est sur une, la dimension, c'est 1,50 m sur 2 mètres à peu près. Voilà. Et alors, les portes se fermaient automatiquement, un seul gardien pouvait, du bout de la travée, fermer toutes les portes d'un coup, par un système de fermeture. Et là, les mômes étaient enfermés jusqu'au lendemain. Alors, le reste était en bois, évidemment. Alors, en cas d'incendie, je ne sais pas comment ils auraient pu résoudre le système. Enfin, ils ont décidé d'abandonner le système. Il y a eu une réforme en 37. Et c'est en 37 qu'ils ont abandonné le système des cages. Enfermer des cages d'enfants. Alors, c'était des cages à poules. J'ai vu les photos, c'est impressionnant. Et curieusement, ces grillages ont été récupérés par les paysans du coin, parce qu'à Belle Île, il y a beaucoup de paysans, pas seulement les pêcheurs, et ils s'en sont servis tout de suite pour des poulaillers. Oui, il faut c'est difficile de se représenter. On considère que c'est le bagne des petits, quoi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anciens. Je crois que Papillon Henri Charrière était un ancien. Pierrot le Fou aussi est passé par là. Il y avait beaucoup de bagnards, de vrais bagnards, de grands bandits qui étaient passés par Belle-Île, à Nian et autres. On considère que c'est là. D'ailleurs, quand ils en parlaient eux-mêmes, ils disaient souvent qu'à côté de Cayenne, on leur a pris leur enfance à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont basculé dans la grande délinquance et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la suite. Le bascule s'est fait dans l'enfance, pendant leur détention. Et voilà. Bon. Et sur la mentalité et la façon d'éliminer les statistiques, ceux qu'ils envoyaient sur le continent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il semblerait que les gardiens avaient une connaissance approfondie de l'usage de la violence et qu'ils savaient jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. Ils savaient s'arrêter avant. Et quand un môme tombait malade, il était exclu du pénitencier et envoyé à l'hôpital. Alors, il y avait un petit hôpital à Belle-Île et puis à Palais. Ou alors, s'il était vraiment malade, on l'envoyait sur le continent. Ce qui fait que dans les registres, il n'y a pas vraiment une grande mortalité. Mais ça n'empêche pas quand même que il y avait quand même beaucoup de promiscuité et beaucoup de maladies, notamment la tuberculose. Alors que là, dans le film, il y a pas sur place. Voilà. Voilà, là, je vous parle de ça, c'est des années 30. Donc il y avait quand même une politique hygiéniste. C'était après Pasteur, après tout ça. Donc il y avait un médecin. Ils avaient une meilleure connaissance de médicale quand même. Donc ils savaient très bien quand un môme était au bord de. Il allait mal, tout de suite il leur tirait du système. Et bon, ça n'empêche pas que les autres se faisaient quand même vraiment taper dessus. Hein. Il y avait notamment l'emploi du cachot, donc la prison dans la prison. Donc quand les mômes faisaient des conneries, alors ils s'évadaient, ils essayaient de se dominer, ils se bagarraient. Alors on les enfermait, il y avait des peines de cachot qui pouvaient aller jusqu'à 3 mois. Alors c'était monstrueux parce qu'ils étaient enfermés dans le noir, couchés par terre. Et une gamelle tous les 3 jours. Une fois, alors donc ils sautaient 2 jours. Ils sortaient complètement affamés, ils étaient complètement. C'était vraiment là, ils sortaient tout juste. Ils devenaient. Il paraît. Moi j'aurais demandé, il m'a dit quand on les voyait sortir, le jeu c'était de leur donner. Le jeu préféré, c'était quand ils voyaient sortir un mec, c'était de lui donner une taffe. Alors le gars il refusait pas parce qu'il voulait montrer qu'il était un homme, alors il prenait une taffe, et hop, bah, il tombait dans les pommes parce qu'il était complètement à jeun. Il était très faible les gars ça faisait marrer c'était à chaque fois le jeu de voir le gars le caïd tomber dans les pommes, quoi. C'est pour situer un petit peu l'état d'esprit des... Et le gars t'a montré il n'y a pas longtemps, mais cette semaine. Oui, mais c'est ça, c'est lui qui vient, il m'a raconté, c'est pour ça que... Qui mesure en fait 1m50, parce que quand il est arrivé, ben, il mesure 1m45, et puis... Sa croissance s'est arrêtée net. Hein. Alors, c'était des... Il faut bien s'imaginer que les mômes de 11, 12 ans, 13 ans qui arrivaient, ils étaient déjà rachots, quoi. C'était des petits nains, des petits gars qui faisaient encore plus petits. Ah, d'accord, le film, elle disait 1m22, là. Oui, et on voit sur les photos, on voit des tout petits mômes, mais c'est des mômes de 13 ou 14 ans, mais ils en font 8 ou 9. C'était des mômes qui étaient de constitution assez faible. Moi, les témoignages que j'ai, c'est souvent des gens qui étaient pendant la guerre. Et dans la guerre, c'était encore pire, d'après les témoignages. Il n'y avait vraiment rien à bouffer, quoi. Et donc, ils souffraient de la faim en plus. Alors que moi, dans cette époque-là, les années 30, d'après les témoignages toujours, bon, ils me bouffaient, quoi. Il y avait à bouffer. Parce que bon, c'était une colonie, il y avait des poissons, et c'était une colonie agricole. Donc il y avait quand même des animaux, ils soignaient des animaux, ils s'occupaient de vaches. Oui, c'était une colonie, c'était l'administration pénitentiaire. Mais ils étaient loués, les jeunes étaient loués par l'administration, c'est-à-dire qu'ils avaient travaillé avec une partie des jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait les bons... comment ils appelaient ça Oui, il y avait les punis qui étaient enfermés, qui n'avaient pas le droit de sortir. Il y avait une cinquantaine de punis. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les bons élèves. Mais ce n'est pas les bons élèves, c'est les bons sujets, oui. Alors, ils avaient un grade. Donc, il y avait deux grades. Hein. Il y avait un premier grade, 6 mois sans punition. Et puis après, c'était un an sans punition. Alors, 6 mois sans punition, ils avaient droit à un verre de vin, une cigarette le dimanche. On leur donnait une cigarette. Ils avaient droit à un dessert le dimanche. Et puis, il y avait des droits comme ça. Ça leur donnait des... Alors, pour faire 6 mois sans punition, c'était vraiment vachement dur. Hein. Il fallait vraiment passer à travers. Parce que les gardiens, le jeu des gardiens, c'était quand il y avait un monde qui s'approchait des 6 mois, c'est le jeu, c'était de le faire tomber. Quoi. Alors, les mecs, ils étaient en collimateur. Alors, le jeu, c'était de chat et à souris. Le monde se... raser les murs dès qu'ils voyaient un... Parce qu'il y avait des gars qui étaient pervers, hein. Il y avait des gardiens qui étaient vraiment des types, d'après les témoignages, des types qui étaient vraiment des vicelards. C'était des vicelards, il y avait, bon, d'anciens bagnards. Oui, qui rentraient comme gardiens, ouais, qui étaient institutionnalisés par le système, parce qu'ils ne savaient pas mourir. Et tout dernier, alors j'en apprends tout le temps maintenant, parce que ce qui est marrant, c'est que quand on ne connaît rien du tout d'un sujet, on s'intéresse. Et au fil des années, on devient un spécialiste, si je peux dire. Et on en apprend plus que les autres. Alors j'en apprends encore. Et tout dernièrement, il y a Robert Dago, là, un ancien aussi, qui est passé par Béline. Et je lui dis, mais comment ça se passait la sortie à la fin? Il me dit, les bacs d'AF. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, 7 ans. C'est-à-dire qu'à la sortie, il y avait 21 ans, il y avait les services militaires obligatoires. Donc le directeur disait les bas de DAF, parce que l'armée ne voulait pas des colons. Il disait c'est des sujets ingérables, on ne peut pas, c'est des voyous, ils foutent la merde. Donc nous on veut bien les prendre, mais seulement dans les bas de DAF. Mais les bas de DAF, c'était un régiment professionnel, militaire. Il fallait qu'ils s'engagent. Et le minimum c'était 7 ans. Les gars ils sortaient de 20, jusqu'à 21 ans, ils rentraient à 12-13 ans. Et après, il fallait signer un engagement obligatoire. Ils étaient vraiment tenus de s'engager. Enfin, c'est ce que m'a dit Robert Dago, hein, je répète simplement. Hein. De s'engager dans l'armée, dans les badas. Alors, les badas, il paraît que c'était encore un truc terrible. Et alors, dans les badas, les types avaient une toute trouille terrible de se retrouver là-dedans, parce que on s'engageait 7 ans. Mais si au bout de 2 ans, on faisait une connerie, on était puni, ils remettaient les compteurs à zéro. C'est-à-dire que ça repartait pour 7 ans. C'est-à-dire qu'on n'en sortait pas. C'est-à-dire que les types qui rentraient dans une colonie, ben, ils n'en sortaient pas. En fait. C'était impossible de sortir du système. Ils crevaient, oui. Alors, c'était vraiment un truc de... Concrètement, là où ils étaient le mieux, c'était à l'infirmerie. Les mecs qui se blessaient volontairement et tout ça, ils se retrouvent à l'infirmerie, et il y en a plein qui crevaient, quoi. Parce qu'ils se faisaient des blessures, qui s'infectaient et tout ça. Et je ne sais pas si tu as vu le joyeux fait de Corbide, Julien Blanc, ils se sont dit, on a pas les bâtards, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Les mecs avaient une trouille terrible. Horrible. Et alors la chance de mon pote Robert Dago, c'est que, alors quand tu te dis, mais comment il a survécu ce mec-là, alors est-ce qu'il t'explique ça, mais et toi, alors t'es là, alors comment t'as fait? Il me dit, mais moi j'ai eu la guerre qui est arrivée, le coup de bol, chance. Donc il a, le Belle-Île a été évacué, c'était zone militaire, parce que c'était donc en 39, au 40, l'attaque des Allemands, et ils ont évacué les mômes par train, et alors ils ont emmené à Maitrey. C'était pas vraiment l'endroit, c'était Maitrey, c'est à Tours. Et donc les Allemands, alors ils sont arrivés pile au moment où les Allemands arrivaient, il y a eu un bombardement à Saint-Pierre-des-Corps. Et puis là, il s'est... Enfin bon, son histoire continue, mais bon... il a pu s'évader, il a pu s'en aller. Il s'est engagé dans la Légion étrangère, après, pour pouvoir s'en sortir. Quoi. La seule solution qu'il avait... Parce qu'il s'est retrouvé à la fin de la guerre, on lui a dit, il était dans la résistance, il a fait la résistance, il a été hébergé par les FTP, enfin il est rentré dans le maquis pour bouffer, quoi. Il dit, moi je suis pas un héros, j'ai été dans le maquis pour bouffer. Alors, à la fin de la guerre, on lui a dit, mais tu vas retourner en tôle, parce que tu es toujours en indélicatesse avec la justice, puisque t'as pas fini ton temps, t'es toujours ton dossier, comment ça marche, la justice, il te lâche jamais. T'as bien beau avoir des guerres, la collaboration, l'épuration, les machins, mais t'as ton dossier qui te suit jusqu'à la fin. Et alors, tu peux t'engager, mais pour s'engager dans l'armée française, il fallait l'autorisation des parents, il était mineur, il avait 18 ans. Donc, il n'avait pas l'autorisation des parents, il ne pouvait pas, parce qu'il était orphelin. Il était abandonné. Oui. Voilà. Donc il n'avait pas l'autorisation des parents, donc il ne pouvait pas s'engager. Donc il allait en tôle. Tu vois le truc de connerie. Donc il s'est engagé dans la Légion étrangère sous un faux nom. Sous un autre nom. Et quand il a... Alors Robert Dago, né en Suisse. Et donc quand il a fini son temps de Légion étrangère, ça a recommencé, les mecs l'ont remis dans la main dessous, dit Vous êtes Robert Dago, né le machin, tatatatata, béni en mer, condamné à machin du tel, du temps, donc vous repartez, ils l'ont remis en tôle, il a refait le temps, jusqu'à sa majorité, je crois, jusqu'à 21 ans, ils l'ont remis en tôle jusqu'à 21 ans, et là ils l'ont lâché. C'est vraiment des teigneux, hein. C'est des gars qui sont, hein, ils l'ont... Alors qu'il avait fait la... Il s'est engagé dans la région, il avait fait la guerre en Indochine, et là, il a été blessé aux genoux, enfin, il a galéré. Alors, non, pas forcément. Dago, sa mère vit toujours. Il dit que c'est... Il a été en... Sa mère a 94 ans. Oui, il n'a jamais revu. Il sait qu'elle est vivante. Mais il a 96 ou... Ouais, il a été abandonné, en fait. Mais sa mère... C'était des femmes qui accouchaient sous X, Jean Genet, sa mère est morte, il avait 6 mois, je crois. Il y avait des femmes seules qui abandonnaient leur enfant, ou alors c'était ce qu'on appelait des bâtards. C'est-à-dire des bourgeois qui engrossaient leur petite jeune fille, un peu 16 ans, là, comme ça, qui draguait. Donc voilà, à l'époque. Et puis il y avait aussi beaucoup d'enfants abandonnés, c'est-à-dire des enfants de tués de la guerre. Entre les deux guerres, il y a beaucoup d'enfants. Il y a un million et demi de morts, hein, guerre 14-18. Donc beaucoup de femmes se remariaient. On faisait une famille avec un autre homme. Et alors le pauvre môme était pris entre deux feux souvent. Dans le foyer, il était souvent rejeté. Donc souvent à l'adolescence, enfin à la jeune adolescence, il partait, quoi. Il partait sur la route. Alors là, il se faisait choper, alors il se retrouvait dans la nature. Il se faisait choper pour vagabondage. Alors c'est ce que dit le pauvre môme, hein. Voilà un étalage, des choses comme ça. Souvent c'était en flagrant délit. Donc on les emmenait au tribunal des flagrants délits, la chambre, je ne sais plus combien, Paris. Puis là, c'était le juge, c'était systématiquement, il ne connaissait que ça, c'était à la colonie, pour les envoyer à la colonie systématiquement, c'était la punition systématique, quoi qu'il ait fait, surtout s'il était orphelin. Alors il y avait aussi des placés, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à la demande du père, le père pouvait demander le placement en guise de punition paternelle. Au titre de punition. Voilà, t'as pas été sage, t'as pas été pas sage à l'école, t'es pas sage, t'es pas gentil, tu te comportes mal, tu vas au bagne. Alors, les mots étaient envoyés comme ça. On le voit dans un film dans les 400 coups de Truffaut, on voit le père qui emmène son fils, le personnage de joué par Jean-Pierre Léaud, Antoine Boinel, et emmène au commissariat. Le pose dans le commissariat, monsieur le commissaire, vous allez mettre cet enfant. Oui, très bien, alors je prends le dossier. Hop, ça y est, ça démarre. Et après, on le voit à Savigny-sur-Orge, dans le centre de tri, là où il était mis en observation, un centre d'observation. Et là, on est dans les années 50, on n'est plus dans l'atmosphère du pénitencier, quoi. C'est plus l'éducation dure. On est plus dans le domaine de l'éducation dure, quoi. Là, c'était plus les paires de baffes, alors que là, dans les gars, là, c'était vraiment des coups, quoi. Ils s'en prenaient, le monsieur que j'ai vu avant-hier, il me disait il prenait leurs poings comme ça, les gars. C'était des grosses brutasses, hein, des gardiens. Des mômes, c'était des petits mômes, quoi. Alors, ils cognaient comme ça dans les flancs, quoi. Comme ça, jusqu'à temps que le môme tombe, quoi. Jusqu'à temps qu'il tombe évanoui de Vous avez des techniques pour assommer, battre, mais sans faire trop, laisser trop de traces. Enfin, ils avaient des. Bah, parfois, ils allaient trop loin. Il y avait un petit peu des excès. Puis, il y avait l'alcool aussi, les types se pintaient pas mal. Avec les mômes d'ailleurs, il y avait un alcoolisme. Ils trafiquaient de l'agneau. J'ai appris ça, je dis. Alors, il paraît que ça gagnait pas mal avec le vin rouge. Il y a l'agneau aussi. Bon, je savais pas. On vous avez rentré de l'agneau, et puis là. Je dis, ah bon, c'est. Ouais. Non, enfin, on apprend tout le temps, hein, par des bribes, parce que il n'y a pas de vraiment hein, de documentation officielle, on n'a pas tellement de vrais livres d'histoire qui expliquent d'une manière précise. Donc, c'est des bribes de choses, de témoins. Les témoins, on a les derniers témoins en ce moment. Il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de registre où on a le nom des gens qu'on pourrait contacter pour les interviewer. C'est impossible. Ils sont dans la nature, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas où ils sont. Alors, grâce au bouquin, moi j'ai des petits retours. J'ai eu 3 lettres d'un des anciens qui dit « Je suis un ancien, etc. J'aimerais bien discuter avec vous. » Quand je vais les voir, ils me racontent leur histoire. C'est un important livre parce que leur enfant en contact avec d'autres personnes qui ont fait le même travail. Oui, bien sûr. Alors, il y a une petite nomenclature à la fin qu'on peut. Je prends mes lunettes, je vois rien du tout. Bibliographie, alors. Il y en a un sur l'île Le Vent, là, on ne voit pas. Il y a un Rugaillac, hein, c'est l'ouvrage de référence sur les maisons de correction. Où là, on a vraiment l'histoire, la création des maisons de correction, les bagnes d'enfants, etc. Où j'ai eu pas mal de documentation. C'est vraiment l'ouvrage de référence qui va être republié d'ailleurs, je pense qu'il va être édité. C'est vraiment un travail d'historien là. Là, on est vraiment dans l'histoire, c'est réel. Et sinon, il y a Jean Fayard qui a écrit Une enfance en enfer, c'est un récit. Alors là, c'est un témoin de l'époque qui raconte ce qui se passe, mais ça se passe dans les années 50. Il y a Raoul Léger aussi, qui s'appelle La colonie agricole et pénitentiaire de Maitrey. Alors ça, c'est à Tours. Où là, pareil, il raconte son enfance, le fonctionnement de. Enfin, tous ses souvenirs, ils sont assez gratinés. Puis il y en a d'autres encore, il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a celle aussi de. C'est dans l'autre, je crois, qui était pas la plus sévère. Aliane ? Non, Aliane, c'est ici à côté. Aliane, c'était la. Dans l'autre, oui. Dans un moment, non, c'est pas mal. Il y a une à Lille-Levant, là. Il est assez Bordeaux. Ah oui, bah là. Il y a Saint-Louis, là. Il me semble que c'est le lot du Garonne, dans ces coins-là. Qui était là, Et après, t'as un gars, c'est Jean-Luc Guéloni qui bosse quand même dessus. Alors, Jean-Luc, il a un projet de faire le traitement, si je puis dire, entre guillemets, des enfants du bagne pendant l'occupation, et notamment des enfants juifs. parce que il y avait un registre d'écrou avec la religion. C'est-à-dire qu'on donnait le nom, le prénom, la date de naissance, d'autres renseignements, et la religion. Juif, catholique, protestant, etc. Et évidemment, les Allemands sont arrivés, alors donc les lois anti-juives ont fait donc un tri. Les lois anti-juives, c'était là. Non, mais oui, non, mais je dis pas que c'est les Allemands qui ont instauré les lois anti-juives. Je raconte, les Allemands sont arrivés, la Gestapo, enfin, ou les policiers français. Alors, toujours là, moi, je dis, on est dans la recherche, parce que c'est toujours tabou, on n'a aucun renseignement. L'administration française n'est pas très bavarde là-dessus, elle a du mal à sortir les informations. Et donc, il semblerait qu'il y ait eu, effectivement, une épuration à l'intérieur des colonies. C'est-à-dire que les Français, les policiers français et la Gestapo soient venus chercher les enfants juifs qui étaient prisonniers ils étaient envoyés dans les camps en Allemagne, les camps de la mort. Mais on n'a pas les noms, on n'a aucun document, on n'a pas les registres, on n'a même pas les... Alors son idée c'est de faire au moins une liste que les petits enfants, de leur donner de leur rendre une identité, quoi. Est-ce que, voilà, c'est ça la démarche, de savoir combien ils ont été, comment ils s'appelaient, quand est-ce qu'ils sont partis, etc. Ça, c'est un travail de recherche énorme, parce que l'administration ne fait aucun effort pour lâcher les infos. Ils ne sont pas ouverts. Oui, ils sont toujours sous protection. Moi, j'ai fait... Là, on voit des registres des années du 19e siècle. Ouais. Donc là, il est dans les registres. C'est des registres d'écrou. C'est des registres d'écrou, ça. Quand ils arrivent, on les met, tu t'appelles. Oui, l'enregistre, ouais. Mais il existe aussi, concernant, pour l'occupation, mais ils sont sous scellés. Parce que c'est 70 ans... Je crois que c'est dans les années 2000, on a dit, désolé, pour toute la période de la guerre, c'est 2070 ou je ne sais pas combien, 2050, encore une fois, attendre encore. Parce qu'ils attendent la mort des... Là, dans le film, on parle à un moment donné des archives de l'Assemblée nationale. Voilà. On parle de 48... 1800. Non, mais en nombre, 40. Ici, c'est 48 colonies privées, à un moment donné. Oui. 15 ou 16 publics. 7 ou 8. De 5 ans, on les a, celle-là, les noms, on les a. Oui, non, je parle pas des noms des colonies, je parle des noms des gens enregistrés. Non, mais le registre des coûts à partir, si tu veux, de l'identification de ces colonies, le registre des coûts qu'on trouve pour la colonie de Montpellier, on va les retrouver pour les autres. Alors, peut-être qu'ils existent, peut-être qu'ils existent. Sûrement qu'ils existent. Et ceux des années... Mais oui, ceux qui ont été fermés on est dans l'expectative parce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'archives qui ont brûlé. Par exemple, on m'a dit pour Belle-Île, il n'y a rien. Parce que tout a brûlé. Il y a eu un incendie à Belle-Île, des archives, les papiers étaient entreposés dans un grenier et un jour ça a brûlé. Alors, moi je suis allé, j'ai été aux archives départementales à Vannes. Et j'ai pu lire, donc il y avait un dossier de presse, les fonctionnaires ont fait un dossier de presse eux-mêmes. Donc j'ai pu lire les articles originaux de l'époque. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a servi de base pour mon travail, pour raconter un petit peu ce fait divers. Et puis aussi j'ai pu lire les rapports du directeur, j'ai eu entre les mains, qui était interdit. Ils n'avaient pas le droit de me le donner, mais j'ai triché et je me suis fait passer pour un type du palais de justice, du ministère de la justice. Ils ont cru que j'étais un chercheur du ministère de la justice. Et j'ai eu juste le temps de faire les photocopies. Je m'étais peigné, c'est ça? J'avais le numéro de dossier, je viens de chercher le numéro machin. Oui, très bien, j'avais envoyé une lettre avant avec un en tête et tout. Oui, très bien, on a eu le courrier, on va vous chercher ça. Et après, ils ont remarqué, mais qui c'est ce mec-là? Ils ont vu que c'était un truc qui était sous-scellé, qui était interdit de... Ils ont commencé à... Je les ai vus. Alors pendant que je bossais, je faisais des photocopies. Je voyais qu'ils allaient conférer à... Ah oui, mais... Au bout d'un moment, il est venu au bout d'une heure, une demi-heure. Non, il n'y a rien. pourrais récupérer les documents parce qu'on n'a pas le droit de vous les donner. Je dis, ah bon, je savais pas. Ah, ils étaient gênés de me les avoir endettés comme ça, tu vois. Mais je pensais que, mais oui, mais vous ne pensiez pas, il fallait pas, il fallait le dire. Enfin, après, j'ai quand même fait les photocopies. J'ai eu le rapport du directeur. Alors, le rapport du directeur, c'est vraiment le truc sensationnel parce qu'il met tout sur le dos des gardiens. C'est le mec, ils ouvrent le parapluie. Alors, il dénonce. C'est-à-dire, c'est le gardien un tel. Alors, le gardien un tel, il a tapé sur le jeune machin. Et alors, bon, machin, tout ça. Enfin, bref. Lui, vraiment dans sa démarche qui se couvre. Et alors, on n'a pas eu d'étude économique sur les gagnes comptées, voir à qui ça a rapporté, qui en a bénéficié, comment ça a. Si, ça. Financièrement, l'importance financière de ces 45 ou. Alors, privées. Pour ce qui est. Il n'y a pas eu de travail global, hein, je pense, sur. À qui ça a profité, combien là. Ça rapportait, c'était des religieux, effectivement, des congrégations religieuses qui. C'était pas du privé, c'était des gens qui n'étaient pas curés. C'est pas possible. Il y a toujours un curé quelque part. Dès qu'il y a un truc, machin, il y a toujours un aumônier. Non, si, effectivement, c'était. Il n'y a pas de privé, je dirais. Grand, si. Il y avait aussi. Un grand privé qui s'est enrichi sur le dos de ces gamins. Quoi. Travailler à l'extérieur chez les paysans. Ils gagnaient du fric. Ils faisaient du fric. Quand ils ont planté les vignes, c'était le domaine qui prospère. Bah, ici, ils étaient de travail gratuit. Ils gagnaient de l'argent. Pour Bénil, moi je connais que je me suis concentré parce que c'est un domaine. On n'en sort pas quand on commence. Pour Bénil. Les mômes étaient loués alors aux paysans, pas cher, c'était une main-d'œuvre vraiment bon marché, et comme mousse sur les bateaux de pêche, quand on en avait besoin pour les traîner un peu de sardines, là, il fallait la pêche au thon, les sardines, tout ça, vraiment donner. Donc ils étaient, là, le paysan par exemple louait le môme et payait directement à la direction. Et officiellement, l'argent était mis sur un compte au nom du colon. Et c'était un pécule qu'il pouvait toucher à la sortie. Seulement, c'est là où est l'astuce, ils sont très forts. Avec le système, chaque punition était assortie d'une amende. Donc, le môme qui bossait, qui rapportait du fric, on le punissait, les gardiens le savaient. Et le charger en punition, ce qui fait qu'à la sortie, le pécule moyen, alors après 6 ou 7 ans de boulot, c'était l'équivalent. Non, il partait ouais, avec. À la fin dans le film, les disques avec des mecs qui viennent louer, tu laisses à France 50. D'après les calculs, en général, ils leur donnaient l'équivalent de mois. Le SMIC, quoi, il pouvait le tenir un mois à Paris, à peu près. Alors c'est pour des mômes qui ne connaissaient rien de la vie civile, qui n'ont aucun, pas de famille, pas d'amis, aucun contact. Se retrouver juste ça et se retrouver dehors, c'était un peu juste. Quoi. Voilà. Ce que tu racontais, là, ça me fait peur, c'est que mon récit de mon père qui était un orphelin religieux, tout est plus petit. C'était dur, c'était une époque vraiment violente. Et il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui se retrouvaient colons, qui venaient des orphelinats. À l'âge de 13 ans, ils étaient ce qu'on appelle placés en apprentissage. C'est-à-dire que c'était systématique. Tous les orphelins, quel que soit leur niveau scolaire, même s'ils avaient un très bon niveau scolaire, étaient mis en apprentissage comme ouvriers. Ils étaient obligés de devenir ouvriers ou paysans, agriculteurs. Et là, il y avait beaucoup qui refusaient cet état. Ils disaient, par exemple, comment s'appelle Jeunet, qui avait un très bon niveau scolaire, après qu'il s'est battu avec les ouvriers, les jeunes ouvriers, parce que c'était des gars qui étaient habitués de se défendre. Donc, bon, les prolétaires aussi, c'est une ambiance un peu virile, un peu dure. Dès qu'on leur parlait un peu durement, ça se cognait dans l'atelier. Alors les types se barraient. Ils se retrouvaient à 13 ans, 14 ans dans la nature. Il y en a beaucoup comme ça qui étaient mis en apprentissage et qui profitaient de cette semi-liberté pour se barrer, parce qu'ils ne voulaient pas bosser, ils ne voulaient pas devenir ouvriers. Ils disaient, moi, je vais me mettre à bosser à l'usine et chercher à s'en sortir, à s'enfuir. Quoi. Donc ils devenaient vagabonds. Donc l'orphelinat préparait déjà un peu. Les mômes étaient programmés pour devenir prolétaires. Quoi. Il n'y avait aucune autre issue dans les par l'éducation que devenir prolétaire. Il n'y avait aucune autre, même s'ils étaient, s'ils avaient un très bon niveau scolaire. Quoi. Non ? Ouais ? Avec plaisir. Dans le carton derrière. Moi, je voulais savoir, c'est-à-dire, est-ce que la presse, on a fait gros un petit peu à l'époque, la presse des voix, c'est-à-dire par rapport à Céval, est-ce qu'il y a eu des voix distinctes? Alors, il y a eu, oui, absolument, il y a eu des. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont élevés? Oui, il y a eu des campagnes de presse à des périodes données, dans les années 20, dans les années 30. La presse locale, dans les années. Oui, qui ont vraiment soulevé le lièvre. Et qui ont fait que ça a débouché sur des enquêtes parlementaires, sur des débats parlementaires en disant il faut que ça cesse, c'est un scandale, ça ne peut pas continuer comme ça, etc. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience dans les années 30. Dans les années 30. Et d'où d'ailleurs, en 1934, l'écho que cette révolte des enfants a eu dans la presse. Il y avait quand même un début de prise de conscience. Disant que c'était une honte, etc. Il s'avère que visiblement la France était quand même très en retard par rapport aux autres pays européens dans le traitement de la délinquance juvénile, entre guillemets délinquance. Quand on voit ce que c'était, hein, des vagabonds, des voleurs de pommes. Ces articles étaient assez nombreux. Tout ça, ça a été épisodique. Comme une sorte de bouffon ou pas au vu de l'époque. Bon, disons que le coup de chance, entre guillemets, de cette histoire, c'est que c'est tombé au mois d'août. Donc c'est une période où il y avait traditionnellement, il n'y a rien dans la presse. Tout le monde, les journalistes le savent, le mois d'août, c'est l'horreur, il n'y a rien. Et donc les journalistes se sont précipités sur ce fait divers et ont un petit peu gonflé le truc parce que pour fournir de la copie. Donc, mais ça a servi un petit peu ça fait monter la mêlée, ça a permis de révéler l'existence de ces endroits. Et il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. C'était un petit peu dans la main. Moi, je ne savais pas que ça allait durer jusqu'en 77, par exemple. Ça m'a étonné. Oui, oui. Belle-Île a fermé en 77. Il y avait plus d'éducateurs que de. Non, la fin, c'était vraiment, il paraît qu'à la toute fin, dans les années 70, c'était vraiment, c'est relax, quoi. C'était plus du tout du... Non, c'était plus du tout le système, ça s'est un petit peu... Par la vision que tu donnes de la pureté, c'est-à-dire des premières époques... Et moi, je me suis concentré sur l'année 34, hein. Je ne suis pas un historien, donc je ne peux pas en parler, hein. Je suis vraiment concentré sur cette période. Et malheureusement, je ne peux pas dire des choses sur ce qui s'est passé après, parce que j'inventerais et je n'ai pas la référence. Si le reste est dans le monde, il ne fallait pas trop les tabasser, de toute façon. Donc d'après c'est-à-dire ce qui ressort un petit peu des témoignages qu'on peut recueillir, il y a pas mal de plans obscurs qui restent à... Ah ben, c'est tout à défricher, hein, oui, bien sûr, on est un peu dans l'expectative. Notamment dans les documents, on a dans les archives, hein, c'est tout. Tout scellé, protégé, on en sait moins que sur ce qui s'est passé dans d'autres camps, dans des camps, dans des choses, dans des endroits. Même si on ne peut pas comparer, quoi. C'est pas des lieux de mort, hein. C'est des lieux de punition. Sachant qu'il y a, tu disais 34, c'est quoi 34 Non, 34, c'est l'année. Dans le nombre de centres. Alors au 19e siècle, il y en avait juste 55 55 par là. Oui, entre 55 plus 7 ou 8 sans colonies nationales, administratives. Autant de réalités différentes et autant d'histoires. C'est ça, ouais, des réunions différentes, etc. Mais qui était basé sur le travail obligatoire, parce que l'idée c'était de remettre les enfants au boulot par le travail, l'éducation par le travail, et les mettre à la campagne. L'idée de la campagne, c'est vachement important, c'est-à-dire on les sort de la ville, parce que c'est la ville qui les pollue, qui les rend, qui leur donne l'éducation de voyous. Donc on les remet dans la nature. Mais alors il y a des mômes arrivaient, on fait des mômes de la banlieue, des mômes des quartiers. Alors ils n'avaient jamais vu les bêchers par terre, les plantes, les machins, ils ne connaissaient rien, et puis ça les intéressait pas du tout. Ce qui les intéressait, c'est les filles, le cinéma, etc. quoi, hein, comme tous les ados. Hein. Le cinéma... Tu parles de filles, c'est que des garçons, en fait. Alors il y avait, alors ça c'est passionnant aussi, la colonie, il y avait une colonie pour les filles, ouais. Il y avait une colonie pour les filles qui paraît, qui était tenue par les bonnes sœurs. Qui était très très dur, très dur. Alors là, on leur apprenait à coudre, à broderie, non, je sais pas où c'est, mais je me suis pas, j'ai arrêté de me, parce qu'en bossant dessus, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, faut pas que je regarde, parce que si je mets le nez dedans, ça va faire le coup. C'était un monde en soi déjà, je dis, oh là là, j'arrête, parce que là, on va partir, c'était encore des histoires, des filles, des beaux filles, des histoires, pareil, dans la violence, mais dans le côté féminin, qui est très dur aussi, qui est vachement dur. Et j'ai arrêté de parce que j'en sortais pas, quoi, la documentation, les bouquins, les trucs, les souvenirs, les photos, les trucs. Et donc, c'est vrai, c'est un petit peu aussi le manque de l'époque. Voilà, c'est là que j'ai découvert, enfin j'ai compris qu'on est dans une société vachement violente. L'école était vachement dure, hein, d'après ce que j'ai vu, l'école de la Troisième République. Bon, c'était quand même les mômes étaient en uniforme, hein, il y avait quand même uniforme, il y avait, c'était un peu, les mômes étaient en rang, ils marchaient au pas, bon, il y avait quand même, il y avait des règles très strictes, il y avait des punitions, il y avait une discipline. Des pas là, c'était des coupes de cheveux comme ça, bon, c'était quand même une... Et puis la punition corporelle était admise par les parents. Les mômes tapaient, les pères tapaient sur les mômes. Ça se faisait, c'était comme ça. Les mômes se prenaient des roustes, se prenaient des dérouillés. C'était une époque quand même dans la violence. Et on a du mal, nous, à se transposer. C'est vachement dur de faire l'effort, de se transposer. Parce que sinon, on a l'impression oui, c'était, on tapait sur un môme, quoi. C'était vraiment... je ne dis pas que tout le monde le faisait, hein, mais bon, il semblerait, parce que je n'étais pas, mais il semblerait quand même que c'était une pratique quand même, on réglait les comptes, même en famille. Voilà. Bon, c'est même l'école, hein, c'était vachement dur. Non, vachement pas la trouver des martinets. Ma frangine, on a cherché un autre jour pour son chien, elle a fait plusieurs magasins. Comment, un martinet. Une personne pas son chien. Je fais voir, tu parles toute l'année, le chien. Les enfants n'avaient pas le même statut, hein, que du tout, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Voilà, et oui, puis il n'y avait pas cette espèce de sacralisation, hein, qu'on voit aujourd'hui un petit peu des mots qui sont... Un peu excessif d'ailleurs. Hein. Qu'on peut trouver excessif par ailleurs. On peut trouver excessif, effectivement, par certains côtés. Et par rapport à René Bousquet, là, dont tu parles... Moi, c'est toi qui m'as dit que c'était pas le bon René Bousquet. J'ai l'impression, parce que j'ai trouvé que sur Minitel, tout son parcours, il n'a jamais été à Lorient. Hein. Je crois que c'est à Lorient ou à Vannes. Alors il y a un René Bousquet qui est venu pour contrôler après cette histoire, qui est venu au mois de septembre ou octobre. On a changé le directeur, ils ont un petit peu mis un peu d'huile dans les rouages, fois 10 ans. Il est venu, visite officielle, il a goûté la soupe, il a passé une journée, il a fait un rapport. Il était en poste en Bretagne. Oui, à Lorient, on a fait ça. C'est ça. La sous-préfecture de Lorient. Ouais. Non ? Ouais, c'est pas vrai ? C'est ce que j'ai gardé comme souvenir, mais justement, je ne l'ai jamais trouvé en poste d'une part en Bretagne. Enfin, je retrouve la trace. Pourquoi j'ai mis ça ? À l'époque, il était dans la marge. J'ai dû le lire, hein. Je l'ai lu. Je l'ai vu dans un dossier, dans un rapport. Il y avait en mission spéciale pour aller faire une inspection, un truc comme ça, c'est possible aussi. Oui. Il n'a jamais été affecté en fait, d'après son parcours. Regardez sur Internet. Hein. Tu vérifies mes sources. Ah oui, tu serais dans mon dos. Tu serais dans mon dos. Ça y est, en bouquin, ça va. Tout est faux. Ça m'arrange. Je l'ai pas mis dans le bouquin, je l'ai mis dans l'épilogue. Oui, à la fin, je crois. Il n'est pas à l'intérieur du roman. Je ne sais pas où il est. Il est. Ouais, il est bientôt 5h, on va s'arrêter là. Pour pouvoir être à 5h30 là-bas, pour 6h, on peut pas. Monsieur René. Ah ouais, René, Lydie, Karine. Lydie, oui. C'est celui-là.